prison. Les femmes résonnent allongées sur un canapé. Je les aime en robe en jeans moulant serré. Je les aime en train, en voiture, même à pied. Je les aime cheveux blonds ou bruns foncés. Je les aime. Ouais, les filles, je les aime. Les femmes, je les aime. Les bras nus au soleil de mai, je les aime. Les jambes collant clair ou foncées, je les aime. Oui, filles, je vous aime. Femme, je t'aime. Allongé sur un canapé, je les aime. En robe en jeans moulant serré, je les aime. En train, en voiture ou même à pied, je les aime. Cheveux blonds ou bruns foncés, je les aime. Ouais, les filles, je les aime. Les femmes, je les aime. Les bras nus au soleil de mai, je les aime. Les gens collant clair ou foncé, je les aime. Ouais, filles, oh, je les aime. Femme, je t'aime. En hiver ou bien en été, je les aime. À Paris, à New York aussi, je les aime. Sur un bateau, dans un taxi, je les aime. Sourire du cœur, sourire aux lèvres, je les aime. Oui, fille, je vous aime. Femme, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.